Chapitre 3e. Il m'est arrivé à 3 reprises dans ma vie de surprendre un flagrant délit d'escroquerie, et chaque fois j'ai éprouvé ce mélange d'horreur et de pitié qui, sur ce pont de bateau et devant cette action, me paralysait tout entier. Il y a quelque chose d'affreux à tenir un homme en présence de soi qui vient de se déshonorer et qui ne peut nier ce déshonneur. Quand cet homme porte un uniforme, cette cruelle sensation est pire. On a beau savoir que la défaillance d'un individu n'atteint que lui-même, nous sommes si habitués à respecter, à vénérer la dignité de l'armée dans ses plus humbles représentants, qu'une vilenie commise par un soldat nous est une véritable consternation. Et celui-ci revenait de souffrir, de risquer sa vie pour le pays. La manière dont il avait parlé de la campagne et des officiers attestait des sentiments aigris, mais cependant si virils. À quelle aberration avait-il cédé en fouillant le sac de voyage de Madame de Maigret-Fajac? Et qu'allais-je faire? Laisser cet homme s'attribuer cet objet volé? Mais ce n'était pas seulement me rendre complice de son larcin. C'était contribuer à ce que les soupçons tombassent sur quelqu'un d'autre, quand la comtesse s'apercevrait de cette disparition. Dénoncer le misérable, mais c'était le perdre à jamais, alors que son vol pouvait être le simple égarement d'un cerveau perturbé par la fièvre et par l'anémie. Aller à lui, m'adresser directement à sa conscience et sinon à sa terreur, lui dire « Je vous ai vu, rendez ce que vous avez pris ou je vous dénonce ». Oui, c'était la voie la plus sûre, la plus humaine à la fois et la plus juste. Pourtant, s'il se débattait dans une indignation feinte, s'il niait effrontément sa propre action, aurais-je le courage de le faire arrêter? Je passai un quart d'heure extrêmement douloureux dans cette incertitude, et quand je voulus en sortir pour exécuter la dernière de ces 3 résolutions, il était déjà trop tard. À travers le tumulte de mes idées, je n'avais pas observé que la femme de chambre de la comtesse était venue prendre le petit sac vert, puis qu'elle avait reparu sur le pont, et elle commençait de chercher partout, écartant les paquets de cordes avec ses mains, soulevant les paniers, se penchant ici, se penchant là, tant que le capitaine finit par s'en apercevoir et il lui dit « Vous avez perdu quelque chose ?»« Oui, » répondit cette fille, « la bourse de Madame la comtesse, une bourse en or, toute en maille, grande comme ça. Il y avait 2 billets de 100 francs dedans, et 6 napoléons. Madame la comtesse est bien sûre qu'elle l'avait sur le bateau. Elle a ouvert sa bourse pour compter cet argent, puis elle l'a remise dans son sac. Elle est bien sûre de l'y avoir remise. Elle n'aura peut-être pas bien refermé le sac, » dit le capitaine. « En tout cas, si la bourse est tombée quelque part à bord, vous la retrouverez. Je suis sûr de mes hommes. On n'a jamais rien volé ni perdu sur la perle. Vrai comme je m'appelle César Tournadre. » Et le brave marin commença à chercher à son tour. Quelques minutes plus tard, il avait communiqué la raison de sa recherche au cuisinier, qu'il avait communiqué au mousse, qu'il avait communiqué à l'un des matelots. La nouvelle était arrivée aux 5 ou 6 passagers en route pour Porquerolles, et le pont du bateau était maintenant rempli de dos penchés, de visages aguets, de bras fureteurs, et Maigret Fajac, revenu auprès de moi, me disait avec sa mauvaise humeur qui semblait éternelle quand il s'agissait de son ménage, « Voilà ce que c'est que de voyager avec des femmes. Elles trouvent toujours le moyen de perdre quelque chose. » Tandis que cette espèce de branle-bas improvisé bouleversait le pont, je regardais fixement le sous-officier de chasseurs. Pas plus que les 3 autres soldats, il ne prenait part à l'agitation générale. Mais sa façon de s'isoler de cette recherche contrastait trop avec l'attitude de ses compagnons. Elle seule, elle criait la faute. Ils suivaient, eux, avec leur même passivité, presque enfantine, les allées et venues des chercheurs, et cette passivité s'égayait d'un intérêt. Ils échangeaient des remarques. Leur visage exprimait une vague curiosité à demi amusée. Le voleur, au contraire, affectait de ne pas même voir ce qui se passait autour de lui. Ses prunelles semblaient fixées ailleurs, mais un peu plus de couleur à ses pommettes, une lueur d'inquiétude dans ses yeux, une tension rauque de toute sa physionomie, l'énervement surtout avec lequel il fumait une pipe qu'il venait d'allumer, décelait l'anxiété intérieure. La fréquence fiévreuse des bouffées, la crispation de ses doigts autour du tuyau, devait le dénoncer à un observateur perspicace et malheureusement, ou heureusement, cet observateur existait dans la personne la plus déterminée par amour-propre professionnel à ce que la bourse d'or se retrouvât, le capitaine lui-même. J'avais bien remarqué à 2 ou 3 reprises que le regard pénétrant du loup de mer se posait sur le groupe des rapatriés avec une fixité particulière. J'avais surpris aussi quelques exclamations jetées en passant à l'adresse des quatre hommes. « Vous ne nous aidez donc pas, militaire ? Vous n'avez vu personne approcher du sac ? Vous savez, il y aura une honnête récompense pour qui retrouvera le bijou. Vous êtes donc très riche, que ça ne vous tente pas ?» J'en avais conclu que l'actif marin, tout voisin du peuple et qui commandait son bâtiment en houseau de toile, jugeait un peu honteuse la paresse des quatre gaillards, affalés dans leur indifférence de messieurs au milieu du mouvement des autres. Je me trompais. Le subtil provençal étudiait ces gens, et je tressaillis d'un frisson de réelle terreur quand je l'entendis qui criait d'une voix retentissante « Allons, les rapatriés, levez-vous ! Et vous, mes enfants ?» Il s'adressait à ses matelots. « Nous allons procéder au retournement de toutes les poches puisque la bourse ne se retrouve pas. On va commencer par moi, pour que personne n'ait honte. Té, Marius !» Et il interpellait le cuisinier. « Dépêche-toi de me fouiller !» Le sous-officier perdu, songeai-je, à moins qu'il ne soit assez adroit pour jeter la bourse à la mer. Mais le commandement ne le lâche pas du regard. « Ah, mon Dieu !» Et Madame de Maigret qui choisit ce moment pour sortir de la cabine. Quelle secousse pour elle d'assister à cette hideuse scène quand on va retrouver dans la poche de ce garçon la bourse volée. La silhouette élégante de la jeune femme venait de se dessiner en effet dans l'entrebâillement de la porte. Je ne pus me retenir de lui faire avec la main un signe pour qu'elle s'arrêtât, et marchant droit sur elle, « Madame, lui dis-je, ne venez pas sur le pont, je vous en supplie. On va fouiller tous les hommes et arrêter celui qui a volé votre bourse. »« J'espère bien qu'elle a été seulement perdue, » dit-elle vivement. « Elle a été volée, » repris-je tout bas, « et par ce sous-officier avec qui vous avez causé tout à l'heure. Je l'ai vu de mes yeux qui la prenait dans votre sac. » « Le chasseur, » fit-elle, « ah, le malheureux !» Elle avait pâli sous le coup de ma révélation. Ses paupières battirent. À peine si j'eus le temps de saisir un passage d'hésitation sur ce délicat visage. Ses lèvres tremblaient un peu, tant elle se sentait nerveuse, mais une volonté résolue venait de monter en elle devant moi. « Voulez-vous me rendre le service d'appeler ma femme de chambre ? » fit-elle après une minute du plus angoissant silence. « Vous êtes moins bien ? » lui demandai-je. « Je suis très bien, » répondit-elle, « mais vite, vite !» et me regardant avec des yeux qui ne permettaient pas de lui désobéir. « Promettez-moi de dire à cet homme, avant qu'il ne quitte le bateau, que je lui donne la bourse, à condition qu'il fasse dire une messe pour ceux qui sont morts là-bas. Vous me le promettez ?»« Ah, merci !» insista-t-elle, comme j'inclinais ma tête en signe d'assentiment. Je vois encore la profonde lueur dont s'éclairaient ses beaux yeux, et j'entendis sa voix criant du plus loin qu'elle vit la femme de chambre quand je lui ai appelé. « Thérèse, dites au capitaine que la bourse est retrouvée !»« La bourse est retrouvée ?» répéta la femme de chambre. « Quel bonheur ! Et où était-elle ? Courez prévenir le capitaine !» reprit Madame de Maigret sans répondre à cette question, et avec la même voix qu'elle avait eue pour me parler et les mêmes mots. « Mais allez donc, et vite, vite ! Il ne faut pas qu'on puisse soupçonner personne !»